Et vous avez la chance d'être informée par Laetitia Gaillet. Les États-Unis et la Russie ont décidé de saisir l'ONU après l'essai nucléaire nord-coréen ce matin. Le président américain Barack Obama a prévenu même qu'il y aurait des conséquences graves. Le régime de Kim Jong-un revendique un cinquième essai réussi. Les médias d'État affirment que les scientifiques nord-coréens ont mis en place une nouvelle tête nucléaire qui pourra être montée sur des missiles balistiques stratégiques. Selon le voisin sud-coréen, c'est là la plus importante explosion produite par la Corée du Nord. Elle a provoqué une activité sismique pour ne pas dire un petit tremblement de terre de 5,3 sur l'échelle de Richter. Il y aura bien une baisse de l'impôt sur le revenu d'un milliard d'euros. Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, a donné ce matin le détail. 20% sous condition de revenu qui bénéficieront à 5 millions de foyers fiscaux de classe moyenne. Et il y aura également un crédit d'impôt à partir de 2017 pour tous les retraités pour les services à la personne et l'emploi de salariés à domicile. Et ce, quel que soit cette fois leur revenu. Pour les entreprises, le taux d'impôt sur les sociétés sera ramené à 28% pour toutes les entreprises d'ici 2020. Le ministre de l'économie et des finances l'assure, nous tiendrons l'engagement européen de ramener le déficit public au-dessous de la barre des 3%. Ce sera 2,7% du PIB en 2017 selon Michel Sapin. Quid qui pour disputer la primaire des Républicains? On aura la liste définitive à 18h ce soir. C'est l'heure limite pour les dépôts des candidatures avec parrainage. Une chose est sûre, il y aura une femme. Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé hier soir avoir recueilli les parrainages pour concourir. 5 autres membres des Républicains, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Jean-François Copé, ainsi que Bruno Le Maire, affirment disposer des signatures nécessaires. Frédéric Poisson, lui, en tant que président du Parti chrétien-démocrate affilié aux Républicains, a dispensé lui de parrainage. Pour Hervé Mariton, il manque à cette heure un parrainage de parlementaires. Pour Geoffroy Didier, en revanche, c'est raté. Il lui manque 15 parlementaires et 50 élus locaux. La primaire des Républicains aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Le nombre de morts sur la route a baissé en août en France, moins 9% sur un an, selon Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur le dit ce matin dans un entretien à la presse de la Manche. Un train a déraillé en Espagne ce matin. Ça s'est passé à quelques kilomètres de Vigo, dans le nord-ouest du pays, en Galice. Le train reliait donc Vigo à Valença de Mino au Portugal. Le premier bilan fait état de 2 morts et de blessés. Suite aux attentats de 2015 et plus encore suite aux attentats de novembre dernier, la Fédération de la Protection Civile constate une hausse des formations au premier secours, plus 10% cette année. Près de 75 000 personnes ont suivi donc une formation de 8 heures dispensée par les pompiers ou alors la Croix-Rouge ou la Protection Civile. La majorité des personnes qui ont suivi cette formation sont des femmes. La campagne lancée en février sur les gestes qui sauve a donné le là et une nouvelle campagne sera lancée mercredi prochain. Son thème « Adoptons les comportements qui sauvent ». Enfin, un détenu de 39 ans a été découvert mort dans sa cellule ce matin à la maison d'arrêt de Nîmes. Il a été retrouvé pendu, condamné à 9 mois de prison pour violence. Il avait fait appel de sa condamnation. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. La tête au carré, le club. Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, le livre le plus froid du monde, la vie d'un génie des maths et la conquête de la terre ferme par les vertébrés. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La tête au carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. C'est l'heure de la bande originale avec Nagui et tous ses amis. C'est parti! Merci Laetitia Gaillet, on se retrouve tout à l'heure midi pour d'autres infos. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leila Kanoumoudadi. Bonjour à tous. Guillermo Gwen. Oh, señor Daniel Morino. Hola. Daniel Albert Algou. Bonjour. Richard Nag et notre invité Caroline Carlson. Caroline. Bravo. Hola Caroline. Bonjour, bienvenue bonjour, Caroline. Merci. Bonjour, je suis ravi, fier, honoré, je vous aime d'amour, je vous l'ai dit en vous accueillant, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Vous êtes pour moi culte. Voilà, je sais pas comment le dire, mais on va essayer de présenter le mieux possible votre spectacle à Chaillot et que vous nous expliquiez pourquoi vous et comment vous avez révolutionné la danse moderne. Ça fait combien d'années que vous dansez? Que je dansais, ouais. 50 ans maintenant. 50 ans de danse. Ah oui. Que je pratique. Que vous pratiquez. Le spectacle. Et ça, vous avez mal quelque part ou pas? Parce que j'ai un camarade ostéopathe qui me dit soignez beaucoup de danseurs ou comme les grands sportifs. C'est le monde de la danse. Le corps se fatigue aussi. Il a mal. Mais oui, mais quand on travaille pour la création, 10 heures jusqu'à 6 heures le soir. Mm-hmm. On se fait forcément mal. Mal dans le bon sens. Ah oui, d'accord, c'est du mal qui fait du bien. Oui. Mais est-ce que ce sont les muscles, les articulations? Parce qu'on n'arrête pas de dire à nos enfants et même nous, bougez, faites du sport. Mais si le sport fait mal et si la danse fait mal, on va peut-être arrêter. On va même pas commencer. Mais ça, c'est dépend. Dans la répétition, on répète la même chose plusieurs fois. Mais par exemple, le spectacle, nous avons un cours avant, mais on fait le spectacle. Et le corps a une habitude pour cette... Et avant un spectacle ou avant une répétition, il faut faire un échauffement comme un sportif? Ah oui, toujours. Pareil? Oui, toujours. Mais sportive, c'est différent. Parce que c'est tellement physique, mais nous avons... Pas la danse aussi. Non. Ah oui. Non, c'est physique, mais nous avons une sorte de méditation avec D'accord. ça. D'accord. Je pense par exemple à Benjamin Pesch, qui est une danseur étoile, qui a pris sa retraite là en février, qui a quoi, 42 ans et à 42, c'est jeune. Il est jeune, mais physiquement, il est en fauteuil roulant. Non, il n'est pas en fauteuil, mais il a vraiment une hanche très abîmée qu'il doit faire opérer. Et il a la hanche d'un homme de 80. 19. Il a trop tiré sur l'élastique, alors il a abusé. Mais les classiques, classique, c'est un peu différent de contemporain. C'est plus violent. Parce que nous avons le cours aussi de Qigong, de Tai Chi. On fait l'action méditative, je danse maintenant, mais la radio... J'aime bien, alors, les mouvements des mains de Caroline Garçon, c'est déjà un spectacle. On va parler donc de la reprise de ce spectacle qui s'appelle Now, maintenant, donc c'est au Théâtre National de la Danse à Chaillot. On va en parler, mais ça sera donc du 23 au 30 septembre prochain à Chaillot, mais d'abord... Le maréchal Ganache. Et là, merci Maréchal de venir nous dire à quel point vous appréciez, j'espère, Caroline Carson est... Affirmatif. Est-ce que vous avez compris du spectacle, Maréchal? Pardon de vous avoir interrompu. Je vous en prie. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, mon cher Nagui. Oui, Maréchal. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne suis pas du genre à considérer la danse comme un loisir pour l'opette. Je ne suis pas de ceux... L'opérette, vous voulez dire. Oui, non, l'opette. Et je ne suis pas de ceux dont les seuls ballets qu'ils connaissent sont les ballets qui servent aux corvées de chiottes. Je vais sûrement vous surprendre, mais contrairement aux apparences, qui ne sont hélas guère en ma faveur, mademoiselle Carlson et moi, nous avons Carlson. Beaucoup... Carlson, s'il vous plaît. Moi, je prononce à la française, s'il vous plaît. Je vais à London et pas... Et moi, nous avons beaucoup de points communs. Nous avons beaucoup de points communs. D'abord, la souplesse. Ah, nous en parlions. Pour Caroline, souplesse de Terpsichore, la muse de la danse. Et en ce qui me concerne, souplesse d'esprit. Car sous mes apparences martiales, jugulaire, je n'ai jamais été un type rigide. Sauf dans l'intimité. Merci, Germaine. La maréchale, qui était d'ailleurs très souple. Elle aussi, excellente danseuse. Quand je l'ai connue à la Châtre... Elle dansait la bourrée dans un groupe de danse folklorique berrichon. Ce que j'ai aimé la bourrée. Mais non. On parle de danse. Hein. Oui. Mais surtout, ce qui nous rapproche, Caroline Carlson et moi, ce sont les arts que nous exerçons, à savoir, la danse et la guerre, qui a bien à réfléchir, présente de nombreuses analogies. Une chorégraphe fait se mouvoir des corps dans l'espace. L'espace qui est comme sculpté avec ses corps. Tandis qu'un stratège fait se mouvoir des corps d'armée, qui bougent, se déplacent, cherchent le contact avec d'autres corps pour leur mettre une danse. Jusqu'à ces terribles corps à corps qui, en Indo, par exemple, me mirent aux prises avec les viettes. Merci. Pour vous dire, Madame Carlson, que j'ai beaucoup apprécié votre spectacle. Qu'il s'agisse de célébrer l'urgence du présent face à la fuite du temps, j'ai reçu le message 5 sur 5. Oui, je vois. Et les fuites, croyez-moi, c'est ce que je redoute le plus. Les petites comme les grandes. D'ailleurs, encore d'urgence, j'ai toujours ce qu'il faut sur moi. J'ai bien noté dans cette création l'influence de Gaston Bachelard, qui, au-delà de la dialectique du dehors et du dedans, du dedans et du dehors, dedans, dehors. Oui, merci. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Inscrit nos destinées dans le cosmos. Et là où vous êtes très forte, Mlle Carlson, c'est d'avoir réussi à faire sponsoriser ce spectacle d'acrobranche et d'arts martiaux par une célèbre marque de porte-fenêtre. Et j'avoue qu'à tout moment, je m'attendais à voir Julien Courbet débouler sur la scène en annonçant fenêtre garantie à vie. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette chorégraphie, dont le titre Now me rappelle ce que mon épouse Germaine me criait dans le feu de l'action quand elle n'en pouvait plus. Now ! Oui, oui, allez-y, Maréchal ! Maintenant ! Merci. Maintenant ! Merci. Now ! Merci, Maréchal. Je vous en merci. Prie. Merci, Maréchal. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Je suis désolé, Caroline, pour ça. Caroline Garçon. C'est une très bonne critique. Écoutez, oui, c'est un critique traditionnel. Oui, il n'a pas vu le spectacle et il en parle. Non, c'est ça. Sais. C'est le principe. Mais j'aime beaucoup Caroline Garçon. Mais tout le monde aime. Tout le monde vous aime. J'espère que vous le ressentez, ça, Caroline. En tout cas, l'amour que nous avons pour vous. Donc, du 23 au 30 septembre, ce spectacle au Théâtre National de Chaillot, Caroline reprend Now, qui veut dire donc maintenant, l'instant présent dans son jaillissement. Vous avez le sentiment que la nouvelle génération et nous qui suivons cette nouvelle génération, on est moins dans l'instant présent. Mais oui, parce que quand je prends le métro ou dans la rue, tout le monde maintenant elle est branchée dans un portable ou quelque chose. Et je crois on fuit un peu de la présence. Et c'est pas le présent d'être dans son téléphone, de converser avec quelqu'un, avec son amoureux. Mais avec pas tout le temps. Comme on marche dans la rue, tout le monde ne voit pas la personne devant. Il chasse les Pokémon. I mean, je crois que c'est too much. Quand on marche, on marche. Oui. Dans la rue. On a tous déjà vu quelqu'un soit taper un poteau, soit rentrer dans quelqu'un d'autre, ou risquer de traverser et de se faire écraser juste parce qu'il avait le nez enfoui dans son portable. Ce qu'il y a de plus choquant, je trouve, et je reconnais que même moi, je suis tombé dans le piège, c'est lorsqu'on vit justement un moment présent magique, que ce soit une rencontre, un concert, un coucher de soleil ou un moment drôle avec des amis, on a le réflexe de se dire, je prends le portable pour faire une photo. Et on oublie de profiter du silence ou du moment magique du coucher de soleil ou de l'éclat de rire avec le pote. Et on se dit, attends, c'est trop drôle, on veut capturer. J'ai assisté à un mariage il n'y a pas longtemps. Et quand les mariés sont arrivés, je me dis, il faut que je prenne mon téléphone. J'ai essayé de filmer les mariés, sauf qu'en fait, je me filmais moi-même et j'arrivais pas à retourner le... Et donc j'avais ma bête tête comme ça et ils sont passés. Voilà, donc j'avais ma gueule de con. Grand moment de solitude. Oui, absolument. Le problème dans le spectacle, tout le monde, il utilise le portable pendant le spectacle. C'est terrible. Et ça, je ne comprends pas. Oh non, mais nous avons 1h20. Il faut, il y a 1h20, on peut couper le téléphone pendant 1h20, mais surtout, il faut que ce soit pour le théâtre, pour la danse, il faut bien dire à tout le monde, même si vous êtes sur silencieux, la lumière de l'écran éclaire d'une manière totalement mortuaire, j'ai envie de dire, le public, blafarde, c'est ça, et les comédiens et les danseurs voient ces espèces de lumières qu'il peut y avoir dans la salle et c'est extrêmement déstabilisant. Revenons à votre spectacle, comment mettre en chorégraphie justement l'instant présent et le jaillissement, c'est-à-dire ce que l'on quelles sont les étapes d'ailleurs d'une création d'un spectacle? Est-ce que c'est l'écriture d'une histoire? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le décor? Est-ce que c'est la formation d'une troupe? Quelles sont les étapes? Un gimmick de danse qui vient installer. Gimmick, souplesse de l'esprit. Souplesse de l'esprit, comme le maréchal. D'abord, je travaille beaucoup avec le charisme de chacun. Ça, c'est l'énergie qu'on passe à le public. Et si elle n'est pas le charisme avec tous les sept danseuses, elle ne passe pas. Mais le charisme... L'idée, la poésie, la musique... Mais un danseur, ce n'est pas comme un comédien. C'est-à-dire, vous faites en fonction du charisme du danseur et vous ne lui demandez pas d'interpréter quelque chose que vous avez décidé et qui n'est pas forcément son charisme, mais qui est un personnage dans lequel il ou elle va entrer. Le comédien, le très bon comédien, le très grand artiste a un charisme. Mais oui. Oui, ils ont du charisme. Et vous avez un charisme. Oui, j'ai pas pris aujourd'hui. J'étais fatigué. Il n'a pas eu le temps. Fin de semaine. Ouais, non. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis la main dessus. Ouais. Il est au pressing. Parce que c'est la danse aussi. Ce n'est pas que visuel. Mm-hmm. On lance l'énergie au public. D'accord. Est-ce que justement de reprendre un spectacle qui a maintenant 2 ans, est-ce que vous y apportez des modifications? Est-ce que vous corrigez des choses? Est-ce que... Oui, c'est un de mes danseuses et un centre. So, maintenant, c'est une autre personne qui prend le rôle. Elle est enceinte. Oui, oui, oui. D'accord. Vous l'avez licenciée, j'espère. Vous l'avez licenciée. Donc, comme elle est enceinte, vous prenez une autre danseuse. Oui. Est-ce que le charisme de cette autre danseuse a fait que vous avez changé des choses en spectacle? Oui, non, elle est très charismatique, l'autre, mais c'est une personnalité différente. Parce que maintenant, Sida, elle est très albanienne, très forte, avec une très forte personnalité. Et Céline, qui est très beau, qui est mystique, un peu. So, il faut changer un peu le rôle. C'est le même spectacle. Mais ça, ça dépend. Il faut l'adapter au charisme du oui, danseur. Oui, les deux et charisme. Mais c'est l'interprétation, c'est un peu différent maintenant. Étape 1, le charisme des danseurs. Donc c'est le choix, c'est le casting aussi. Oui, oui. Le choix casting. Des danseurs. Oui, oui. Là, il y en a 7 pour, oui, pour Now. Oui, il travaille avec moi pour longtemps. D'accord, c'est votre troupe. Oui. Ensuite, est-ce que ce sont les lumières, le décor, la musique? Ensemble. Non, mais il n'y a pas un numéro 1 d'abord dans tout ça? Non. Pour créer, vous n'avez pas besoin d'avoir une musique de René Aubry en vous disant... Oui, mais tout ensemble, la lumière, la musique de René Aubry, la danseuse, la poésie, c'est inspiration Gaston Bachelard, le poétique de l'espace. Ah ben oui. Et tout, il ne faut pas séparer, c'est un art total. Ce n'est pas que la danse, c'est ensemble. Et vous arrivez encore, après toutes tes créations, je ne sais pas now, la combientième, mais avec toutes tes créations, c'est... vous arrivez encore à surprendre, à trouver de nouvelles idées. Oui. Bah, comme un grand peintre, comme un grand peintre, comme un grand musicien, c'est la surprise. Mais c'est comme chaque artiste, Picasso et la période bleue, et là, et là. Et quelle est votre période alors, now? Le profondément de la poésie et la spiritualité, je crois, en besoin aujourd'hui. Je vais plus maintenant vers la... Méditation. Non. Méditation active. Et vous parlez de vos références à Bachelard. Oui. Donc c'est une rencontre, c'est une lecture, j'imagine. Mm-hmm. Vous avez découvert cet auteur comment? J'étais à l'Université de Utah. Oui. Et je suis dans le cours de philosophie. Et on étudiait Bachelard, le livre de le feu, l'air. La psychanalyse du feu. Yes. Un merveilleux livre. Incredible. Mais tout, ça c'est le troisième livre que je fais avec Gaston Bachelard. Le songe et l'air et l'eau et cette poétique. Et on a étudié quand je suis 22 ans. Oui, oui. Et quand je suis 22 ans, j'ai découvert Bachelard. Et aujourd'hui... Vous êtes encore avec lui? Oui. Ah oui. Et Bachelard, c'est une pensée très accessible. Ah oui. C'est ce qui est merveilleux, on peut le recommander aux auditeurs. Ce n'est pas un philosophe éthéré, obscur. Non. Il part d'éléments très concrets, donc on parlait, l'eau, l'air, le feu. Et à partir de ça, c'est des méditations tout à fait magnifiques. Oui. Vraiment, et le poète qu'elle cite. Un grand poète. Incroyable. Mais il est un poète, il cite Paul Claudel, etc. Toujours m'inspirer. Et comment parvenir à, non pas traduire, mais à travailler la pensée d'un Bachelard? Et tout d'un coup, la donner à voir à des spectateurs sur scène à travers la danse. Il faut voir le spectacle. C'est le moment que j'ai expliqué, c'est pas ça. Parce que la danse est actuelle, c'est pris par la vision et l'énergie. Et bien sûr, je prends la liberté dans le texte, mais et Numa. Que je fais à Théâtre Chaillot aussi avec l'Opéra de Bordeaux, ça c'est le songe et l'air. So, you know, les choses de mon travail, que vous dites, c'est dans l'urgence de le moment. Et le public, il a percevoir quelque chose sans explication. Mm-hmm. Je n'ai pas expliqué mon travail. Oui. Donc, c'est comme, que je crois en perdre. C'est comme une œuvre d'art, chacun peut y trouver. Mais ce qu'il veut y trouver, absolument. C'est ça. Absolument. En émotion. Je crois qu'on essaie de faire les définitions d'expliquer trop aujourd'hui. On n'est pas dans le récit, on est dans la contemplation. C'est le propre des grands artistes. Pour ça, je citais la peinture et la poésie, notamment. Oui. Leïla Kadrobaudadi, quand on a, quand vous a annoncé que Caroline Carlson venait... Vous vouliez partir. Pas du tout. Vous avez fait des assouplissements et vous avez dit, j'ai mes oreilles qui sifflent. Je me suis étirée, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé et immédiatement, Caroline Carlson... Parce que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour vous, j'ai entendu cette voix résonner dans ma tête. Hi Bob, this is Gaga. I said, hi Gaga. She said, can you tell me something about theater? And I said, sure. I said, it's important to know what you're going to do the last second. And the next most important second is the first. C'est la voix de l'un de vos maîtres. En tout cas, vous parlez de lui comme ça. Vous avez reconnu sa voix? C'est pas Erwin Nicolai. C'est Bob Wilson. Oh, Bob Wilson, of course, Bob Wilson. C'est Bob Wilson ici qui sorry, nous... Sorry, I forgot Bob Wilson, yes. Mais on va parler d'Erwin Nicolai. Oui, c'est la même famille. C'est les deux, ouais, vous les associez oui, souvent. Ça fait quand même une mauvaise réponse, oh, attention. C'est méchant. Ah, okay. En tout cas, là, Bob Wilson nous parle de ses rencontres avec Lady Gaga. Oui. Et vous parlez souvent de Bob Wilson, qui est quand même une référence incontestable. Vous avez notamment travaillé avec lui. Il s'agit de Einstein on the Beach, oui. Vous parlez de lui dans sa capacité à vous avoir transmis à cette notion d'étirer le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bob Wilson vous aurait appris à étirer le temps. Well, pour moi, elle est très zen. Quand elle parle l'instant, oui. On commence avec quelque chose, c'est le début et la fin. Mm-hmm. Et les choses que j'aime avec Robert Wilson, surtout Einstein on the Beach, Philip Glass, avec cette idée de répétition, elle n'est pas le temps. Et la première fois que je vois Louis... On perd la notion du temps oui. avec l'idée de la répétition, c'est mais ça? Oui, oui, oui. D'accord. Et le premier spectacle que je vois Robert Wilson, c'est au Théâtre de Gaîté, ici à Paris, oui. Le Regard du Sourd. C'est 5 heures de ralenti avec les gens autistiques. Et elle change ma vie. C'est des scènes pièce. De ralenti et c'était des danseurs autistes, c'est ça yeah. Pendant 5 incroyable, heures. Incroyable, incroyable. Mm. I mean, devant moi, 5 heures de ralenti, c'est incroyable. Et quand je vois ça, le temps qui passe pas. Et pourtant, vous vous souvenez que ça durait 5 heures. Oui, 5 heures. Mais on revient, on sortit. Ouais. Est-ce que vous avez été ému aux larmes de voir... Oui. Ah, mais j'étais avec Erwin Nicolai pour 7 ans. On sent encore cette émotion aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes, 5 heures, t'as envie de sortir. Non, hein, mais. Tu te mets à chialer. Hein. Voilà. Ah, vous parlez de Bob Wilson et vous parlez aussi beaucoup d'Erwin Nicolai. Oui, il est mon maître. Qui lui, vous aurait fait prendre conscience que le danseur était dans un espace qu'il n'appréhendait pas suffisamment. C'est ça ce qu'il vous a transmis aussi? Well, la chose qui est intéressante avec Nicolai, je suis dans le classique avant, le contemporain. Mais avec Nicolai, il n'est pas une technique physique, il est une philosophie. Mm-hmm. Le temps, l'espace, le mouvement perpétuel et la forme. C'est un peu comme Gaston Bachelard. Et je trouve amoureuse de le travail. J'étais avec lui pour 7 ans. Et il m'ouvre une porte qui est toujours ouverte. Alors, quand je pense à vous, Caroline Carlson, je pense aussi à un autre artiste avec lequel vous avez collaboré. Dresser un cheval, c'est être chorégraphe quelque part, parce que c'est lui prendre par la main, le diriger, lui construire sa gestuelle, lui construire son mouvement, quoi aussi. 4, 5, 6. Dans ce sens-là. Ça, c'est les duos. Duo. Ça, c'est deux chevaux. Vous l'avez reconnu? Ah, mais oui. Ah, mais oui. J'ai fait un spectacle, We Were Horses, avec Bartabas. Avec Bartabas, absolument, We Were Horses. Uh-huh. Et là, c'est aussi cette vision de cette chorégraphe qui ne s'intéresse pas qu'à la scène, qu'à la danse à part entière et qui aime comme ça tisser des collaborations. Comment vous êtes arrivé à travailler avec Bartabas? Ah, mais c'est fascinant. Parce qu'on travaille avec le cheval, le même temps que la danse. Mm-hmm. C'est tout différent. nous avons une scène de terre. Et un peu impraticable, séparé avec les chevaux. Ah, c'est fascinant. Mais c'est difficile aussi, parce que Bartabas, grand artiste, mais il écrit tous les temps. Parce qu'il est le cheval, et je dis, pourquoi vous n'utilisez pas un micro? le show, I mean, pour moi, ça c'est... Avec des écouteurs pour les chevaux. Je ne suis pas l'habitude de ça. Et le mouvement d'un cheval... Oui. C'est beau. C'est beau? Ah oui. Ah oui. C'est Léonard de Vinci, je crois, le premier qui avait décomposé le mouvement d'un cheval. Mm-hmm. Et quel est le mouvement parfait pour vous dans la nature? Est-ce qu'il y a un mouvement, un geste qui est le plus beau de tous les gestes? Le vent. Le vent. Ah oui. Très bien. Mais le vent, on le voit pas. Le mouvement perpétuel, voilà. Invisible. Caroline Carson est notre invitée. Nous allons évoquer et parler avec elle de ce spectacle qui s'appelle Now, l'instant présent dans son jaillissement, fait spectacle et danse au théâtre de Chaillot. Ça sera du 23 au 30 septembre. Mais d'abord, toute la journée, vous avez du Léo Ferré et ça fait du bien sur Inter. Le voici avec Paris Canaille, j'ai envie de dire. Aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, tes gigolos, tes déshabillés sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, et c'est si bon. Dédé Lacroix, Bébert d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames seront une raison à ce front bigame, et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, allons, sinon t'es bon. Ah la la, une, la la la, deux, file-moi trois, tu te verrais mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la, d'air, ah la la, rien, t'es un gangster, la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baise-main, mais c'est si bon. Passe la monnaie, v'là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg Saint-Honoré, trois petits fours, et je m'en vais, surprise partie, surprise restons, on est surpris, mais c'est si bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion, y'a de l'affluence, mais c'est si bon. Mon musée garé dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flanflan, t'as l'âme en fête, et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Paris Canaille, Léo Ferré, c'est quelle une pêche. Journée consacrée à Léo Ferré sur France Inter, puisque c'est le centenaire de sa naissance, et ce soir, il y aura un spectacle autour de Léo, qui se déroulera en direct sur France Inter, de 21h à 23h15, et c'est au studio 104 où vous pouvez venir assister à cette création. C'est un symphonique en première partie, et en chanson en deuxième partie, avec des artistes comme Bernard Lavillier, Cyril Mokayesh, Messiat, Arnaud, il y a Christian Olivier, Cali, Catherine Ringer, Philippe Catherine, Camélia Jordana qui viendront chacun et chacune interpréter des titres de Léo Ferré, c'est sur Inter. Et sur Inter, avant d'avoir la bande originale de Caroline Carson, voici l'humeur, si, le danger, attention, écartez les enfants, Guy Herbeau-Guiz. Merci. Bonjour les amis. Ça fait une semaine qu'on se calme. Attends un peu. Alors oui, je suis de retour en deuxième semaine, ce qui n'était pas joué d'avance quand on sait l'accueil absolument glacial que m'a réservé Nagui vendredi dernier. Je me rappelle, j'étais un poil tendu. Donc mon ulcère venait à peine de tourner à l'hémorragie interne, mais je tenais bon. Je me disais que c'était probablement ça aussi, le musical. C'est là que Nagui, surexcité par la tablée véreuse et sensiblement brutale qui lui sert de bande, a introduit mon tout premier billet en France d'un très encourageant. C'est sa première chronique et peut-être aussi sa dernière. je vous le souhaite. J'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Je crois, oui. Donc, qui, je vous le souhaite, fera autant rire les prud'hommes quand nous y réglerons cette petite histoire de harcèlement moral. La bonne nouvelle, c'est que la xénophobie latente de votre attitude n'a pas laissé indifférent en Belgique, où les soutiens ont afflué pour dénoncer la France et ses éternels petits travers. Rapidement, les mots collaboration, colonie, sans contaminer et autres Charles Aznavour ont été évoqués à haute voix. Non. En mode, bah oui, tu connais les Français, qu'est-ce que tu attendais, évidemment. C'est marrant, en Belgique, on est moins teigneux que les Corses, mais on vous veut autant de mal. Hein. Donc voilà. Alors toujours est-il que me revoilà, vendredi midi, bravant l'hostilité ambiante, à me demander une fois encore ce que mes confrères billettistes de France Inter ont bien voulu me laisser comme trépidant sujet pour cette fin de semaine. Ma chronique, elle me fait un peu penser à l'épreuve des restes dans Top Chef. Vous savez, quand les candidats, ils sont obligés de cuisiner tant bien que mal avec des épluchures de patates, des rognures d'ongles et des pellicules. En général, ils font des miracles, mais il y a toujours un chef pour trouver que le tiramisu manque un peu de texture. Et si vous passez à table, pensez à ceux qui n'ont pas de table du tout et arrêtez de faire les précieux. Bref, de quoi vous dire un vendredi midi. Je me vois mal être le dixième à ironiser sur la primaire à droite, notamment parce que je m'en bats les couilles avec une violence qui frise la perversion. Et là, si je continue, je vais me rendre incapable de donner la vie. Je ne vais pas non plus tirer après tout le monde sur l'ambulance Cahuzac, parce que j'ai de l'empathie pour le garçon. Vous savez, on lui reproche d'avoir menti droit dans les yeux de la France, mais ça doit être vraiment terrifiant d'avouer un truc aussi lourd devant autant de monde. Faut imaginer, avant-hier, ma copine m'a demandé si je regardais YouPorn plus d'une fois par semaine. J'ai répondu non. On n'était que deux dans la pièce, on peut pas dire que j'étais asphyxié par la pression sociale. On m'aurait posé la même question devant les élus de la nation, je crois que j'aurais répondu non, mais j'ai un compte en Suisse par contre, histoire de faire diversion. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, il y a un truc étonnant que j'ai lu. D'après une étude américaine, contrairement à ce que l'on croit, Daesh aurait beaucoup moins de succès sur les réseaux sociaux que les suprémacistes blancs et les néonazis. Il fallait commencer par les bonnes nouvelles. Écoute. Alors pour nos auditeurs qui nourriraient des sentiments ambivalents par rapport à cette information, en théorie, je dirais que vous êtes plutôt dans le bon. En revanche, si en apprenant que le Ku Klux Klan était plus populaire sur Internet que Daesh, vous avez ressenti un vif sentiment de plénitude ou ne fût-ce qu'un début de paix intérieure, ou au contraire une grande tristesse ou même un petit pincement au cœur, je vous conseille de déménager dans les plus brefs délais, soit à Fréjus, soit à Raqqa, en évitant soigneusement de confondre les deux destinations. Donc voilà, il faut imaginer que le mec qui a piloté l'étude en question a recensé minutieusement pendant 4 ans tous les comptes djihadistes, nationalistes, fachos et nazis qui fleurissent sur le net. Aujourd'hui, il étudie l'histoire de la colonisation israélienne, hein, pour se détendre un peu. Moralement, il est lessivé. Il a besoin de légèreté. À ce propos, la réunion prévue entre Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas a été reportée. Je ne sais pas si la cause palestinienne intéresse encore quelqu'un, par contre. Oui, pour tout le monde. Oui, mais forcément, il me reste que ça le vendredi, les sujets vintage. Ah non. C'était ça ou les bébés phoques. Alors, la touche d'espoir, c'est que la France a bien l'intention d'organiser une conférence internationale pour relancer l'effort de paix au Moyen-Orient. Et j'ai la faiblesse de croire que François Hollande peut résoudre le conflit israélo-palestinien. Là, j'ai noté absence de chute parce que vanne trop évidente. On est entre gens intelligents pour l'essentiel, donc je ne vais pas vous faire du tout cuit non plus. N'empêche, je suis persuadé que la cause palestinienne et les vannes sur François Hollande, c'est le même combat. On n'est pas à l'abri d'un retour de hype. Alors là, vous serez bien content de m'avoir dans l'équipe si je tiens jusque-là. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo. La bande originale. Bah, j'ai trouvé le lancement de vendredi prochain. Il est venu pour les restes. Caroline Carson est notre invitée. La musique est évidemment essentielle dans votre vie. On vous a demandé ce que vous écoutiez comme musique sur quelques dates clés de votre carrière. Comme par exemple, en 1968, vous écoutiez... How many roads must a man walk down before you call him a man? Et on en revient à l'essentiel. Le vent. Le vent. Blowing in the Wind, Bob Dylan en 68. En 68, vous découvrez la France, ou c'est la France qui vous découvre. Vous êtes sacrée meilleure danseuse par le Festival International de Danse de Paris. Vous vous souvenez de votre premier contact avec la France? Mais oui. 68 avec Alwyn Nicolai. Je suis choquée par le public français. Mais bravo, applaudis, on pas dit ça même aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça? Non, on travaille avec Alwyn Nicolai dans un petit théâtre dans le Lower East Side. C'est un applause généreux, mais pas comme France. Debout, bravo, bravo. C'est marrant parce qu'on dit souvent que le public français et au théâtre ou à la danse, un peu coincé, qu'il applaudit du bout des doigts, qu'il n'est pas très enthousiaste. C'est en 68. Hein. C'est en 68. Ouais, voilà. Non, et ça, c'est Owen Nicolai. Ouais. Parce que quand le monde voit Louis, c'est un choc. C'est comme Robert Wilson. D'accord. Mais elle est la paire de psychédélique, lumière et super avec la scène. C'est très visuel. Et je crois que le français apprécie ça. En tout cas, vous parlez bien le français. Oh, il y a juste un mot que je voudrais traduire. C'est Owen Nicolai, c'est Alwyn Nicolaïs. Dont on a parlé tout à l'heure. Oui, non, mais d'accord, je blague. Mais non, mais c'est parce que vous l'avez tellement bien, le Alwyn, que je voudrais rassurer ceux qui disent... Mais c'est ma langue. Mais c'est vrai. Et Robbie Wilson. Alwyn Nicolaïs. Voilà, merci, c'est gentil. Mais Ellie Bruce, c'est Nicolai. Oui, c'est Nicolai. C'est pas avec un S. C'est vrai, vous avez raison. 1974, voilà ce qu'écoutait Caroline Carlson. Philippe Glass. Quand vous entendez comme ça de la musique, est-ce que immédiatement dans votre esprit vous avez des images de chorégraphie, de mouvement? Avec ça, c'est fluide, lyrique, undulation. Dommage qu'on n'ait pas l'image là. Ouais, ça, c'est dommage. Incroyable. La danse. Nous, on l'a. Les mouvements de bras, comme ça. Un petit air frais aussi. On dirait moi au réveil. On dirait moi quand je chasse un moustique plutôt. Arrêtez, vous saluez. Oh non. Pas grave, moi j'étais en train de rêver là. Vous êtes étoile chorégraphe pour le ballet de l'Opéra de Paris. Vous avez chorégraphié 26 créations. 126. C'est une faute de petite frappe alors. Ah là. Ah oui. 26 c'est une honte. Je serais à votre place, je serais furieux. 126. Bah déjà, 26, ça nous semble tellement énorme. Non, 26, tu fais ça vite, 26. Mais non, tu fais ça assez vite. 126. Non, aussi, c'est pas que Paris, j'ai habité aussi à Venise, la tête de Venise, à Helsinki, à Suisse, partout. Il y a aussi un mot qui compte énormément dans votre carrière, c'est la transmission. Oui. À quel point c'est important et à quel point ça vous occupe encore aujourd'hui, puisqu'il y a des classes aussi, je crois que ça se passera à Chaillot, il y a un jour de silence qui aura lieu. Silence. Et c'est comme une masterclass. Fais une improvisation, un peu 3-4 minutes sur le silence. Comme une performance. Oui, comme ça demande beaucoup de travail de préparer le silence. Absolument. Je parle le bruit de silence et j'ai un peu le morceau de bois sur moi. Et j'essaie d'être plus silence, mais quelquefois j'ai le bruit sur moi. Ça c'est mon invention. Mais le silence n'existe pas. Vous parliez de l'air et du vent déjà. L'air fait du bruit. Si vous parlez tout le temps comme ça, I don't know what I'm doing, it goes on and on. À chaque fois que vous parlez, vous pause pour le silence. Vous voulez pas initier Nagui au silence? Mais pourtant... Pourtant, silence. Il y a du vent. Silence. Même si vous vous taisez, il y a du vent, il y a de l'air. Oui. So, qu'est-ce que c'est la question? Le vent fait du son aussi. Je pense que le silence n'existe pas. Oui. Il faut exister. Dans une salle, si vous demandez silence, vous aurez toujours la respiration de quelqu'un, vous aurez toujours le frottement, le mouvement d'un tissu, il y aura toujours un son. Je travaille beaucoup dans les images immobiles. Ça, c'est le sort de silence. Visuel. C'est l'idée du silence. Mais dans notre souffle, nous avons le silence. Calmez-vous. Ça, c'est demain. Avec l'inspiration. C'est ça. Nous avons une sorte de suspension, le silence et on expire. En 1983, alors là, évidemment, on va s'approcher d'un compositeur que vous adorez. Vous créez votre solo fétiche et vous écoutiez. Kenji Girac. René Aubry. C'est beaucoup inspiré de Venise. On habite à Venise à cette époque ensemble. La chorégraphie, vous l'avez créée à Venise? Oui. On reste là 4 ans à Venise. Et c'était Blue Lady, c'était totalement vous. C'est vraiment, oh, oui. C'est, oh, vraiment oui. C'est psychanalytique quoi. C'est... Oh, oui. Mon fils est né 2 ans avant ça. Ça, ma vie a changé. C'est l'itinéraire de la femme, de votre évolution. Ah oui, ah oui. Venise, c'est l'eau. Le... Je suis une nouvelle mère. C'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est bleu. Blue. Non. Je cherche un titre. Et mon manager dit, tu es un blue lady. Comme je ça. Dis, c'est ça. Blue, c'est un peu la mélancolie, le, l'eau, le ciel. But tu es un blue lady. Et la féminité aussi était importante, puisque vous devenez maman. Oui. Et là, vous devez, ah oui, c'est ah toutes oui. les étapes de la femme qui est aussi dans ce spectacle. Ah oui. I mean, quand tu es un enfant, on revisite la vie. Enfance, etc. Now, ça sera à partir du 23, ça revient du 23 au 30 septembre, salle Jean Villard, au Théâtre National de Chaillot. On voulait parler de ce point de départ, de l'idée de l'instant présent et dans son jaillissement. Florence Thomas, merci de venir à notre micro. Vous signez « Je vivais le moment présent » aux éditions Erol pour avoir... conscience de ce moment présent. On en a un tout petit peu parlé aujourd'hui. Caroline Carlson disait tout à l'heure que la nouvelle génération passait à côté du présent. Ne profitez pas de l'instant présent dans son jaillissement. Vous en avez le sentiment, vous aussi ? Oui, complètement. Non, je vous en prie, vous pouvez parler pendant que je bouge. Vous savez, vous allez avoir si dès que je bouge, vous taisez, il va y avoir des grands moments de solitude à la radio. Ça s'appelle le silence. Ce sera le silence. Tu vois, c'est une initiation au silence. Pour que tout le monde puisse en faire l'expérience. Voilà. Donc, à quel point on passe à côté du présent ? On passe à côté du présent parce qu'on est dans une société qui est en perpétuel mouvement. On est dans une société qui rime avec stress et préoccupation. Le mouvement n'empêche pas le présent, au contraire. Non, mais ça dépend de la qualité de présence et la qualité de conscience qu'on a de ce moment-là. Et c'est vrai qu'on parlait des jeunes, mais aussi les moins jeunes, hein, qui sont sans cesse connectés avec leur portable. Hein. Je prenais moi-même le métro hier et effectivement, on a l'impression que les gens autour de nous sont comme des automates. Eh bien, faire cet apprentissage, hein, parce que finalement, c'est un entraînement de l'esprit, pour développer une qualité de présence, à vivre le moment présent, eh bien, c'est tout simplement être ici et maintenant et pouvoir profiter pleinement. Comment vous définiriez le présent ? Parce que c'est une question d'échelle de temps, le présent. Est-ce qu'il existe, le présent ? Oui, au moment où je vous parle, on est bien dans le présent. Mais il est déjà plus là. Votre phrase est déjà dans le passé. Mais il est déjà plus là, voilà. Effectivement. Et la phrase à laquelle vous pensez, c'est le futur immédiat, puis hop, ah ben bah on y est. Voilà. Eh ben trop tard, c'est le passé. Oh, oui, c'est parce que dire. C'est quelque chose d'éphémère, mais en même temps... C'est ce qui existe le moins par rapport au passé, par rapport au futur. Le présent, c'est ce qui dure le moins. C'est parce que c'est un côté éphémère, mais en même temps, c'est dans le présent qu'on vit. Parce que sinon, notre esprit est sans cesse ballotté entre le passé et le futur. C'est quoi ? C'est plutôt la conscience. C'est la conscience, et moi je dirais même la pleine conscience. Hein, alors, il faut apprendre à vivre ce présent. C'est un apprentissage, effectivement. Alors comment ? Bah, tout simplement en... Parce que ça, c'est ce que vous faites. C'est tout le à fait. Ouais. C'est en proposant pour soi-même des temps de pause. Hein, alors, des temps de silence, des temps de pause, mais avec soi-même. Voilà, dans la journée, reprendre conscience de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que le corps, lui, est directement ancré. Hein, c'est notre véhicule, comme disent les bouddhistes, pour être au monde. Et par contre, lui, l'esprit navigue sans arrêt, justement, en perpétuel mouvement entre le passé et le futur. Et donc, faire l'apprentissage de la pleine conscience, eh bien, c'est être ici et maintenant. Donc, en revenant en soi, en se mettant dans une position d'observateur, observer nos pensées comme si elles défilaient sur un écran mental, sans les suivre, et puis prendre conscience de son souffle, parce que finalement la respiration c'est un point d'ancrage dans le présent, et on peut y revenir à tout moment parce qu'elle nous accompagne de notre premier souffle jusqu'à la fin. Voilà. Mais on peut être aussi dans le mouvement, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut être dans la pleine conscience dans le mouvement, et ça veut dire faire une chose à la fois. Hein, j'aime beaucoup la phrase de Montaigne qui disait « quand je danse, je danse, et quand je dors, je dors ». Voilà. Mmh. Eh bien, c'est essayer dans sa vie de faire une chose à la fois. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup de mal à faire une seule chose à la fois. Et surtout les hommes. Non. Ah, c'est bon, pardon. Je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit, voilà. C'est honteux, maintenant. Ouais. C'est honteux. Ouais, je pense que je peux être condamné pour ses propos. Mais ça peut aller en justice. Hein. on en reparlera. est-ce que c'est une sorte de méditation permanente? C'est une manière de... Tout à l'heure, Caroline Carlson parlait de cette chorégraphie au ralenti qui durait 5 heures. Dans cette émission, nous, on avait démarré il y a 3 ans avec Didier Deschamps, qui est un entraîneur de football, le coach de l'équipe de France de football, mais qui est surtout le seul capitaine français qui soit allé prendre la Coupe du Monde de football et la soulever le premier, en tout cas. Et il m'avait dit qu'au moment où il montait les marches au Stade de France pour aller dans toucher cette Coupe du Monde, avant qu'on la lui remette, il avait ralenti le pas, comme pour faire durer ce moment-là, pour qu'il soit ancré à vie dans sa mémoire. Et c'est juste incroyable, après avoir joué 90 minutes, après avoir eu une adrénaline qui a dû monter à des summums et une excitation de folie, d'avoir la conscience de marquer, de saisir le présent dans son jaillissement. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire par moment, c'est-à-dire d'un coup suspendre le temps pour lui donner une dimension plus importante? Oui, alors suspendre le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans ces moments de pause et dans cette méditation où on va, qui peut être aussi dans l'action, mais où on va ralentir le mouvement pour prendre conscience effectivement d'un pas à la fois, pour vivre, pour profiter pleinement de ce moment-là et pour l'ancrer. Temps, là. On a des emplois du temps assez chargés, on n'a pas que ça à faire. Eh bien, c'est justement dans ces moments-là qu'il faudrait se dire je fais une pause de 5 minutes. Hein. D'accord. Est-ce que justement ça ne donne pas plus de temps? C'est-à-dire que de donner plus d'importance au présent, est-ce qu'on ne rallonge pas les journées? Est-ce qu'on ne rallonge pas la vie? Et à quel point ça fait du bien encore? Disons que notre perception change. Donc on est d'un seul coup, on est quand même moins surbooké et on a l'impression de profiter davantage de notre journée. Hein, parce que les journées, elles font 24 heures pour tout le monde. Mais après, ça dépend de la qualité de présence qu'on se donne à chaque moment. Et puis, notre qualité... Ça dépend de la densité qu'on donne à ces 24 heures. Ouais. Justement, vous, Caroline Carlson, vous avez, on l'a vu, une productivité incroyable, un nombre incroyable de créations. Est-ce que vous aussi, au quotidien, c'est important d'être dans cette pleine conscience? Comment est-ce que vous fonctionnez? Il y a des temps pour vous? Can I say something? I'm looking at his t-shirt. Elle regarde le t-shirt. Let's park and recreate. Qui est le t-shirt de Guillermo Guiz. Il va falloir que tu le laves un jour quand même. But this is fantastic. That's what we do. Grosso modo, et si on s'arrêtait, quoi, et si on se garait et qu'on recréait les choses. À chaque moment, c'est nouveau. On ne sommes pas dans le passé, ni le futur. On sommes à le moment. Recreate. Et ça, c'est notre conscience. Il faut recréer à chaque seconde. Chaque seconde, c'est nouveau, c'est actif. But I would like your t-shirt. Oh mon Dieu. Je veux bien ce t-shirt. It's so dirty. Elle veut le t-shirt, mais on va faire juste une photo. Ça, c'est la clé. Si ce matin, on m'avait dit que la solution viendrait de Guillermo, j'aurais pas cru. Surtout si on m'avait dit que Caroline allait déshabiller Guillermo, moi, je serais pas venue non plus. Très beau, Guillermo. Écoute, je te laisse. On peut parler d'autre chose. Le silence. Ce sont... Évidemment, vous, votre méthode, on va pas la résumer en des étapes. Il n'y a pas de recette magique. En tout cas, votre livre est passionnant, mais j'ai envie de ramener ça aux cinq sens. C'est-à-dire que la pleine conscience, c'est ça, c'est un éveil aux cinq sens, c'est prendre conscience de ce qu'on vit à travers nos sens. Il faut le ressentir, ce que l'on fait, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on vit. Il faut faire marcher à nouveau tout ce que l'on a à notre portée, le toucher, l'odorat, l'oreille, les yeux, le goût. Mais ce qui est important, c'est tout à fait ça, mais ce qui est important, c'est d'être dans une attitude de non-jugement. Et de ne pas analyser ce qui se passe en nous, que ce soit nos pensées, nos sensations, qu'elles soient agréables ou pas, eh bien, c'est les accueillir. On est vraiment dans l'accueil de ce qui se passe en nous. Mais vous vous rendez compte de l'anachronisme avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces portables font qu'on veut tout photographier, tout enregistrer. Tout d'ailleurs, on photographie tout, mais on n'en fait rien. C'est-à-dire que toutes les photos... Avant, on avait des pellicules de 12, 26, 24, 36. Pause. On les développait. Mais on les encadrait. Là, maintenant, c'est sur des ordinateurs, des disques durs. On ne sait même plus où elles sont, ni à quoi elles servent. Mais on est content. On a fait 356 photos en 3 jours, mais on ne les regarde pas. Il vient d'où le problème? Et au moment où vous avez pris la photo, hein, par exemple, lors de votre du mariage auquel vous avez assisté, c'était vous avez finalement mariage, hein. échappé. Oui. Bah si, malheureusement, avez... il s'est auto-filmé pendant son J'espère mariage. Pas pour je n'avais pas compris. Ouais, c'est ça, vous avez échappé à ce moment-là. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a des exercices à pratiquer? Oui, alors déjà, faire une pause. Hein. Je vous invite, bien sûr, à faire plusieurs pauses dans votre journée. Hein. Pas forcément très long, mais 5 minutes. Ça, je crois qu'en France Inter, on l'a bien compris. Oui. Voilà. Et puis... Devoir de réserve, c'est pas la guille. C'est pas la guille, hein. Dire se concentrer sur sa respiration. Voilà. Mais vous avez un emploi du temps de feignasse. Mais vous ne faites rien, madame. Passez votre temps à vous asseoir et à penser et à si accueillir. Non, mais c'est pas vrai. Non, vous êtes payé pour ça, c'est formidable. Non, mais vous êtes une adepte, par exemple, de la méditation matinale. La méditation pleine conscience, oui. C'est-à-dire le matin, s'accorder quoi? C'est concrètement. Oh, deux petites heures. Lève-toi, feignant. Non, je médite. Non, mais ça peut être 10 minutes, une demi-heure. Voilà. Fermer les yeux, être assis. Et puis être à l'écoute de ce qui se passe. Et à l'inverse, est-ce que vous recommandez aussi le soir de revivre les bons moments de la journée? Oui, parce que ça crée un ancrage positif. Hein. Ouais. Je suis sophrologue avant tout, donc bien sûr. Vous êtes enseignante, tu vois tout ce qu'elle fait, mon petit gars. Enseignante et formatrice, pendant plus de 15 ans, elle a été au sein de différentes structures, établissements scolaires, instituts thérapeutiques, éducation et pédagogie. Oui, mais ce que vous avez fait en 15 ans, une personne normale le fait en 15 jours. voilà ce que j'ai retenu. Elle s'est tournée vers la philosophie, puis la sophrologie. Voilà. Et son but est de permettre à chaque personne qu'elle accompagne de s'ouvrir à elle-même et de prendre conscience de tout ça dont elle a besoin pour avancer dans la vie. De pognon. Eh bien voilà. Non, sinon j'aurais trouvé la solution. Je suis désolé de vous avoir confronté à ces animaux. Florence, Thomas, ça s'appelle « Et si je vivais le moment présent ?» et ça fait du bien et c'est chez Erol. Merci, portez-vous bien en tout cas. Merci beaucoup. Ma chère Florence. Daniel Morin, vous qui avez réponse à tout. Oui. Voilà, sur ce ton-là, j'ai peur. Comment bien vivre le moment présent, Daniel? Ah, quel dommage cette question. Si habilement posé, Monsieur Guy, n'est pas la bonne. Non, dans l'affaire qui nous occupe, la seule vraie question, celle qui mérite qu'on s'attarde, est pourquoi le moment présent ne sert à rien? Eh bien tout d'abord, parce que la fugacité de l'instant est bien trop fulgurante pour qu'on l'apprécie. Vivre un moment heureux, c'est une chose. Mais quand on s'en rend compte, c'est déjà fini, il appartient au passé. Donc ce qui est bien plus intéressant, c'est d'anticiper la kiffitude des moments futurs. La pardon? La kiffitude. Bien sûr. Voilà, kiffitude. Ça, ou bien se rappeler... Du latin kiffare... Kiffados. Kiffanouf. Qu'il faut qu'il fasse, qu'il fasse. C'est bien, aussi... Oui, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse vite. C'est bien, de se rappeler aussi, avec délice, de la nostalgie des doux moments passés. Quand je pense à toutes mes ex, c'est avec le sourire aux lèvres et parfois la larmichette au coin de l'œil que ma journée passe. Moment de grand kiffage. Quand je pense à toutes mes futures fiancées, c'est le regard perdu et la bave aux lèvres que ma journée se déroule. Moment de grande kiffusion. Mais quand je pense au moment matrimonial présent, l'ennui me prend d'assaut. Mais point de chagrin ni d'amertume à avoir. Dans quelques temps, quand ma femme fera partie de mes ex, elle reprendra cette saveur si particulière, ce petit goût de nostalgie qui la replacera illico dans la douce catégorie de la délicieuseté. Alors, suis-je un salaud de penser de la sorte? Oui, c'est sûr, Nagui, le moment présent vient de nous le prouver. Mais pas de panique, puisque ce moment de goujaterie appartient déjà au passé. Quant à votre question, Monsieur Guy, à savoir, savez-vous comment bien vivre le moment présent? Bien, je vous avoue un truc. Je n'en sais rien. Merci, Daniel Morin. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Et c'est Caroline Carson qui est notre invitée jusqu'à 12h30. Elle reprend Now, ce spectacle de 7 danseurs qu'elle met en scène, qu'elle a chorégraphié. C'est au Théâtre de Chaillot du 23 au 30 septembre. Voici Blur avec Girls and Boys. Et ensuite, nous aurons quelques questions autour de Je n'oublierai jamais sur Caroline Carson. We'll be right back. Girls and Boys, c'était les Blur, Damon Albarn, entre autres. Je vais commencer, Caroline Carson, toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais ». Et vous concluez les phrases comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vous qui décidez, c'est Richard Larnac qui nous accompagne. « Je n'oublierai jamais qu'enfant, je rêvais de devenir... » Un oiseau. Un oiseau ? Oui. D'accord. Je n'oublierai jamais la phrase que disait mon papa ou ma maman. Est-ce qu'il y avait une phrase qui vous a marqué ? Suive ton cœur. Suis ton cœur. Oui, pour le travail. Oui. Je n'oublierai jamais ma plus grosse erreur professionnelle. Vous n'avez jamais commis une erreur professionnelle ? Ça, c'est difficile à répondre parce que... Un jour de promo à France Inter, un truc comme ça. Oui, oui, l'erreur. Un t-shirt, vous avez demandé. Non. An error. Vous n'avez commis aucune erreur. Non, c'est chaque... On arrive à chaque moment quand on dit le présent. C'est le... Si je ne suis pas bien un peu, je... No regrets. Pas de regrets. Non, je ne regrette pas. D'accord. Because I work. Parce que je travaille. Je n'oublierai jamais ma plus grande chance dans la vie. Que je raconte mon fils. Oh, on va s'arrêter là-dessus, c'est trop joli. Caroline Carson est notre invitée. Et elle est là jusqu'à midi. Bonjour, c'est Jean-François Zigel. Le samedi sur France Inter, à midi. La preuve par Z. Une émission faite à la main et pour les oreilles. Avec un piano, des explications, des improvisations, des inédits, des fantaisies pour découvrir et aimer la musique classique. La preuve par Z. Un peu de savoir. Jean-François Zigel. Beaucoup de saveur. À retrouver désormais sur France Inter, le samedi à midi. À demain. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec deux colocs. Et des trois, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi ? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite, et puis moi je regarde à gauche. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans. Et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif. Depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursé sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Vous êtes bien sur France Inter, il est midi. That's interesting. I like that. It's really... That's a psychological... Voici les infos de Laetitia Gaillé. Bernard Cazeneuve a décrit l'enquête de véritable course contre la montre. 7 personnes ont été interpellées depuis la découverte d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz le week-end dernier à Paris. 2 couples et 3 jeunes femmes. Les 3 jeunes femmes ont été arrêtées hier. Le ministre de l'Intérieur a parlé de femmes fanatisées qui préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes. L'une d'elles était d'ailleurs la fille du propriétaire de la voiture chargée de bonbonnes de gaz. Elle a donné un coup de couteau à un policier lors de son interpellation hier soir à Boussy-Saint-Anne. Antoine dans l'Essonne. Le procureur de Paris, François Molins, devrait donner des explications en fin d'après-midi lors d'une conférence de presse. On reparle bien sûr de tout cela tout à l'heure dans le journal de 13h. À cette occasion, Bruno Duvic recevra Wassine Nasr, journaliste à France 24 et auteur de État islamique, le fait accompli. A noter aussi cette information du Midi Libre. À Lodève, une voiture remplie de bonbonnes de gaz a été retrouvée sous l'autoroute A75 a priori. Elle avait été abandonnée là depuis plusieurs semaines, la voiture. À 13h, on parlera aussi impôts. Michel Sapin a annoncé ce matin les baisses d'impôts à venir. 1 milliard d'euros pour l'impôt sur le revenu à destination des classes moyennes. Un crédit d'impôt pour les retraites qui emploient des, pour les retraités, pardon, qui emploient des personnes à domicile. Et l'impôt sur les sociétés ramené à 28% pour toutes les entreprises d'ici 2020. On ira aussi à 13h du côté du Mont Blanc où 33 personnes ont passé la nuit à l'intérieur d'un téléphérique à 3000 mètres d'altitude. Et puis le nouvel essai nucléaire nord-coréen aujourd'hui. Les États-Unis et la Russie vont saisir l'ONU. Rendez-vous à Athènes également aujourd'hui. Pour cette fois, les dirigeants français, italiens, portugais, maltais et chypriotes. Rendez-vous à Athènes pour le sommet en fait euro-méditerranéen. L'Espagne ne sera pas représentée puisque l'Espagne est en proie à une crise politique. Ce sommet euro-méditerranéen s'inscrit en fait dans une série de rencontres préparatoires au sommet de l'après-Brexit prévu pour le 16 septembre. La question des réfugiés occupera une place importante aujourd'hui dans les discussions. Bertrand Galichet. En achevant il y a 3 semaines le recensement des réfugiés et des migrants bloqués sur son territoire, la Grèce annonçait en avoir trouvé 54 000, un chiffre qui comprend une majorité de Syriens ainsi que des Afghans et des Irakiens. La plupart d'entre eux ont vocation à être répartis entre les différents pays d'Europe. D'autres, près de 11 000, sont retenus sur les îles grecques depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie en mars dernier, qui prévoit leur retour sur le sol turc. Les organisations humanitaires s'inquiètent de leurs conditions de vie dans des structures parfois surpeuplées. Il y a parmi eux des enfants et des mineurs isolés. Tous ces migrants ou réfugiés doivent rester sur place en attendant que soit examinée leur demande d'asile. La Grèce doit aussi faire face au passage massif de migrants qui se dispersent ensuite vers l'Europe du Nord. Ils ont été plus de 160 000 à arriver par la mer depuis le début de l'année. Un autre défi que le gouvernement de Tsipras voudrait bien ne pas avoir à relever seul. Athènes, Bertrand Galichet, France Inter. Le tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté dit anti-Burkini du Touquet dans le Pas-de-Calais. Le maire, les Républicains de la ville, l'avait maintenu et ce malgré une décision du Conseil d'État fin août. La primaire des Républicains, tous n'iront pas, faute de parrainage. Dernière en date a affirmé, elle, qu'elle les a. Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour les autres, comme Hervé Mariton, il manque un parrainage de parlementaire. Deadline ce soir, 18h. Henri Guénaud, lui, n'ira pas avec les Républicains. Le député, les Républicains, un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy a confirmé ce matin qu'il se lançait dans la course à la présidentielle en dehors de la primaire de la droite. Une primaire qu'il qualifie d'escroquerie démocratique. Il a donc lancé un appel aux maires pour leur signature. Pour la présidentielle, il lui en faut 500 parrainages d'élus. Ne pas confondre liberté d'expression et violation des règles sur la nudité. La colère gronde en Norvège contre Facebook. Le réseau social a supprimé ces derniers jours la célèbre photo de 1972 qui montrait une jeune vietnamienne nue brûlée au napalm. Facebook est même allé plus loin en suspendant les comptes de plusieurs commentateur norvégien. Au nom de cet argument, la photo viole les règles sur la nudité. Le débat est vif en Norvège, pays scandinave, chantre des libertés. C'est remonté d'ailleurs même jusqu'au sommet du gouvernement. La première ministre Erna Solberg déplore une censure. J'apprécie, dit-elle, le travail de Facebook et des médias pour stopper les images et les contenus montrant de mauvais traitements et de la violence. Mais Facebook fait fausse route quand il censure de telles photos. Cela contribue au contraire à freiner la liberté d'expression. Boire ou conduire, il faut choisir, disait la campagne. Boire ou être enceinte, il faut aussi choisir. Car quand une femme attend un enfant, elle ne doit absolument pas boire, même un tout petit peu. Zéro alcool pendant la grossesse, c'est le message de la campagne lancée aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale consacrée aux conduites addictives. C'est une question de santé publique, Véronique Julia. Les autorités sanitaires appliquent dans ce message le principe de précaution, car finalement on ne sait pas vraiment à quel danger une femme enceinte s'expose quand elle boit, ne serait-ce qu'un tout petit peu. On n'est pas tous égaux face à l'alcool, un verre anodin pour l'une sera risqué pour une autre, et personne n'est capable aujourd'hui de donner un seuil à partir duquel l'alcool mettra la santé du bébé en péril. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Ce message réitéré cette année n'est pas franchement nouveau, mais il n'est pas encore entendu, puisqu'apparemment 3 Français sur 4 ignorent les risques, et les femmes enceintes continuent de boire, 3% disent consommer de l'alcool chaque semaine. 2% ont même été jusqu'à boire 6 verres en une seule occasion. Et un bon tiers ne se prive pas d'un petit verre de temps en temps. Les associations de soutien aux familles et aux victimes du syndrome d'alcoolisation fœtale rappellent de leur côté que plusieurs milliers d'enfants naissent chaque année en France porteurs de troubles liés à cette exposition pendant leur vie intra-utérine. Certains seront hyperactifs, impulsifs, auront des problèmes de concentration et d'apprentissage. D'autres, plus lourdement atteints, auront un crâne plus petit que la normale, un visage marqué et des retards retards mentaux, sans compter les risques de fausses couches et d'accouchements prématurés. Véronique Julia, vous écoutez France Inter, il est 12h06. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Ce soir, à partir de 21h, autour de Léo, en partenariat avec l'Obs, une soirée spéciale autour de Léo Ferré. Didier Varro. Plus de 2 heures de concert en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter le centenaire de la naissance de Léo Ferré. Avec en ouverture l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui célébrera le répertoire symphonique de l'artiste sous la direction de Bruno Fontaine. Puis, une pléiade d'artistes sous la houlette de Romain Humeau viendront réenchanter le Grand Léo avec Bernard Lavillier, Catherine Ringer, Arnaud, Philippe Catherine et bien d'autres belles surprises. Thank you, Satan. Autour de Léo, une soirée exceptionnelle à vivre sur France Inter ce soir à partir de 21h. La suite de la bande originale, c'est sur France Inter avec Nagui. Merci Laetitia. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est le journal de 13h. Laetitia sera là toute l'après-midi pour vous informer. C'est le retour maintenant de la bande originale. C'est la bande originale. Oui. Bonjour à tous. Guillaume Wiz, Daniel. Oui, bonjour. Albert. Bonjour. Richard Lomac est au clavier et notre invité est Caroline Garçon. Mais oui. Now est le spectacle, la chorégraphie, l'émotion qu'elle vous propose du 23 au 30 septembre. C'est au Théâtre National de la Danse, au Palais de Chaillot. Et c'est vraiment l'émotion, c'est ce que l'on ressent. J'ai eu la chance de vous voir en spectacle. Je vais être totalement honnête avec vous. J'étais traîné par une amie, une copine qui me dit « on va aller à un spectacle de danse ». Et comme tous les garçons qui ne savent pas danser, évidemment, je dis « mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans un spectacle de danse ?» Et j'ai été ému aux larmes, chamboulé. J'ai des images qui sont à vie gravées dans ma tête et c'est ce que vous ressentirez. Notamment la gifle que t'as mis la fille quand elle s'est approchée. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, je vais même te dire un truc. Tu marques des points quand tu vas avec une fille voir un spectacle de Caroline Carlson. Voilà, tu marques des points. Et tu poses ton cerveau surtout, c'est important. Par déjà, rapport, il faut en avoir un. Oui, déjà, mais c'est vrai. Pas de mais je crois que c'est important aussi de parler de la danse en ces termes-là et pas se dire qu'on va voir un spectacle de danse pour comprendre toutes les intentions du chorégraphe parce qu'on sort, on est un peu perdu, on se sent un peu bête, donc exclu, et on n'a pas envie de renouveler l'expérience. Oui. Or, aller assister à un spectacle de danse, c'est choisir de se contenter, de ressentir. Laisser laisser porter. Ouais. Voilà. Ouais. Et pas chercher un sens, une symbolique qui pourrait nous conduire ailleurs. Non, ça, c'est pourquoi je n'ai pas expliqué mon travail. Ouais. Il faut voir un peu une page vide et faire une expérience. Est-ce qu'il y a des limites que la danse essaye de repousser? Est-ce que on parlait des technologies, par exemple? Ouais. Je me souviens de Double Vision aussi, ouais. Où ah, oui. Vous serviez comme ouais, ça ouais. De ces deux ouais. scènes, finalement, que vous aviez ouais. recréées. Ouais. Vous cherchez aussi toujours à innover en vous servant d'éléments de modernité dans la projection, dans les lumières, dans les effets. Mais pour moi, je suis une artiste visuelle. I mean, même à l'Opéra de Paris, 79, je fais le film sur scène. Beaucoup avant que tout le monde fasse des projections. Et films. Aussi, mon maître, Alwyn Nicolaïs, qui fait beaucoup de projections et tout ça. Mais je suis toujours intéressée dans la cinématographie sur scène. Et quels sont vos rapports avec la nudité? Sur scène, les vêtements, les costumes. À quel moment vous décidez de mettre des... Vous aimez beaucoup le tissu ample pour que ouais. ça donne du mouvement, qu'on oui, ait l'impression qu'il y ait blanc. Du vent. Voilà, c'est oui, ça, mais ça, ça dépend de la pièce. Et de jouer aussi avec les torses nus mm-hmm. ou les jambes nues. Mm-hmm. Ça dépend de quoi? Ça, ça dépend de l'idée et la séquence. Mm-hmm. I know... Dans cette très forte séquence avec la montée, nous avons une chemise qui est en soie, qui va avec le vent oui, un peu. Oui. Et bien sûr, le milieu, j'aime beaucoup les hommes, le torse nu. Oui, le oui. transpiration. C'est bah, pareil, bon. Pareil, pareil, pareil, pareil. Moi, j'aime beaucoup les femmes torse nu aussi. Pareil. Mais en tout cas, il n'y a aucune question de pudeur, en tout cas, dans le monde de la danse. Non. Et ça, c'est dépend de chaque chorégraphe. Vous considérez le corps comment? Juste comme une enveloppe et pas... Oh, le corps, c'est comme l'âme. Oui. Moi, je ne séparais pas la façon de la physique et l'âme et l'esprit. C'est un tout. Un tout. D'accord. C'est pas une erreur. Voici l'humeur de Daniel Morin, messieurs dames. Ô joie, ô allégresse, longue vie à toi, génie des génies, que ton règne soit aussi brillant que toi, grand soleil du 21e siècle. Vive Kim Jong-un! Ah, je récupère moi. Non, désolé, mais excusez mon emportement démesuré, mais aujourd'hui, c'est jour de fête nationale en Corée du Nord, alors je marque le coup dans un style très nord-coréen. Alors sachez que génie des génies et grand soleil du 21e siècle sont deux vrais titres attribués à Kim Jong-un. Ah, quel malade ce type. Je ne vous permets pas. Ah, vous êtes resté, maréchal. Affirmatif. Ça vous pose un problème? Non, pas plus que ça. C'est juste que... C'est juste que quoi? Je suis en CD, vous savez. J'interviens quand et comme je veux. Le président Mathieu Gallette m'a donné des garanties. Mathieu Gallet. En français. On prononce toutes les lettres, à Paris. Espèce d'inculte illettré. Surtout à Paris. Je vous aurais bien fait la leçon, mais la journée mondiale de l'alphabétisation, c'était hier. Et aujourd'hui, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'un cruchon tel que vous. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire il y a 10 secondes quand vous m'avez dit « je ne vous permets pas » Je ne vous permets pas de dire du mal de Kim Jong-un. C'est un type bien. C'est un tyran sanguinaire. Et alors? Bah, et la ferme! Merde. Tais-toi! Le problème avec vous, gens de gauche, la bande de cocos fonctionnaires grévistes de Radio France, c'est que dès qu'un gars met un peu d'ordre dans son pays, vous le traitez tout de suite de tyran. Mais enfin, ce type fait abattre ses ministres, il fait tirer des missiles en direction du Japon, c'est un fou dangereux! Négatif! Et on ferait bien de s'inspirer de lui de temps en temps. Hollande! Hein, Hollande, il aurait pu faire fusiller Macron, il aurait dû même faire fusiller Macron. Une fois fusillé, il aurait moins fait son malin, le petit Fayot avec sa tête de fouine. Bon, enfin, maréchal, on fait pas fusiller les gens en France. Ah, c'est bien dommage. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Bref, tenez, puisque vous êtes là, profitons-en. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques Paralympiques? Paralympiques, oui. Attention, hein, c'est les meilleurs. Oui, les Paralympiques. Et comment? J'ai moi-même été un grand athlète, malgré mon handicap. J'ai même proposé des nouveaux sports spécialement étudiés pour l'occasion. Quel nouveau sport? J'avais proposé, entre autres, au comité olympique, le saut à la perche en fauteuil roulant. Et alors? Eh bien alors, ça a été refusé. Pour mon saut de... Mais taisez-vous! Pour mon saut de... C'est sérieux, ça, oui, c'est ça. Pour mon saut de démonstration, j'avais oublié de m'attacher à mon fauteuil. Aïe, aïe, aïe, aïe. Comme vous dites. Mon saut était parfait. Je me suis élevé dans les airs, dans le silence, chère Caroline. J'ai passé la barre et je suis retombé sur le matelas comme une fleur. Malheureusement, mon fauteuil a continué sa course dans les airs pour retomber 50 mètres plus loin dans la gueule d'un lanceur de poids bulgare, manchot, nain et aveugle. Il est mort? Non, mais... Je suis bouleversé, là, j'y repense. Il y a une roulette du fauteuil qui s'est encastrée dans son oreille et on n'a jamais arrivé à la retirer. Alors, déjà la vie, c'est pas facile quand t'es bulgare, nain, manchot et aveugle. Mais quand en plus, tu as pour toujours une roulette qui dépasse de ton oreille, là, c'est carrément galère. Vous avez proposé d'autres épreuves, maréchal? Affirmatif. Le grimper de corde avec la bouche. Intéressant. Ça s'est passé comment? Mal. J'étais arrivé en haut avec une aisance incroyable, un vrai serpent. Malheureusement, dans mon dernier élan, j'ai mordu la corde trop fort, mon dentier s'est coincé dans la fibre et je suis tombé comme une pierre, une chute de 10 mètres. Vous êtes blessé? Négatif. Je suis tombé pile poil sur la tête du lanceur de poids bulgare, nain, manchot, avec une roulette dans l'oreille qui sortait de l'infirmerie. Il est mort? Non. Mais sous le choc, il a encore perdu 20 cm. Alors, déjà... La vie, c'est pas facile quand t'es nain, manchot, bulgare et aveugle avec une roulette qui dépasse de l'oreille. Mais quand en plus tu te retrouves avec les yeux à hauteur des épaules, là c'est carrément galère. Vos propositions étaient refusées, j'imagine. Affirmatif. J'étais furieux. Je suis monté dans ma voiture et je démarrais comme un fou. Du coup, j'ai pas vu que devant la bagnole, il y avait le lanceur de poids, nain, bulgare, manchot, avec les yeux au niveau des épaules et une roulette dans l'oreille et je lui ai roulé sur la tête. Il est mort? Négatif. Et il avait la marque du pneu sur le front. Alors, déjà, la vie, c'est pas facile quand t'es nain, manchot, bulgare et aveugle, avec une roulette qui dépasse de l'oreille et les yeux à hauteur des épaules. Mais quand tu te retrouves en plus et à vie, avec une marque de pneu au milieu du front, là, c'est carrément... Carrément galère. Non, c'est carrément drôle. Merci, Maréchal. Bon week-end. Merci. La bande originale. Évidemment, nous avons ri, mais avec tout le respect que nous devons à ceux qui ont un fauteuil roulant, ceux qui sont bulgares, nains, manchots, aveugles, qui ont un dentier et qui ont une marque de pneus aussi, avec beaucoup de respect. Et une roulade dans l'oreille. Et qui représente la France aux Jeux Olympiques. Absolument. Et d'ailleurs, ne faut pas oublier que le nombre de médaillés d'or français aux Jeux Paralympiques est plus important que les médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Il y a un petit coucou quand même à des patrons du CIO qui ne s'est même pas déplacé à Rio pour l'ouverture des Jeux Paralympiques. C'est honteux. Voilà. C'est honteux. Et on en parle beaucoup moins alors que ça ramène plus de médailles. Voilà. Voici le brouillon de culture pour Caroline Carson par Leïla Kadour-Boudali. Caroline Carson, je vous sors de la promotion du spectacle, un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, juste pour apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par le son... Par un son immortel, ou presque. C'est du coréen. Vous avez reconnu ? Oui, c'est coréen. Oui, The Dead Sea. C'est japonais, c'est Kazuo Ono. Kazuo Ono. Ah oui, Kazuo Ono. Voilà, qui est décédé à l'âge de 103 ans, qui est un danseur, chorégraphe japonais, qui a été l'un des fondateurs du Buto. Et vous dites que vous aussi, grâce à la danse, vous avez une énergie incroyable et que vous allez devenir le nouveau Kazuo Ono et danser jusqu'au bout de votre vie. Vous continuez à danser beaucoup ? Oui. Je prépare maintenant un solo pour le Panthéon, le 19 septembre. Je danse dans le Panthéon. Là, le 19 septembre. Et vous ne le dites pas. Bah alors. Oh, pardon. Mais voilà, on savait pas. Bah, on va se préparer, va se préparer surtout. C'est un solo que je fais partie de Giotto à le Panthéon. Deux spectacles, 6h et 7h30. Mais c'est un honneur. Quand Chaillot dit, tu vas à le Panthéon. Je dis déjà. Et justement, la postérité, c'est important pour vous ? Est-ce que c'est important de rester dans l'histoire de la danse ? C'est quand on dit, c'est le présent. Ouais. Je ne pense pas de la postérité. I mean, moment, c'est présent. Sauf que vous parlez aussi de transmission. Et la transmission, c'est le présent, mais c'est aussi le futur. Donc, c'est une façon de se projeter dans le temps. Quand vous voulez enseigner, vous aimez enseigner. Oui, mais c'est dans la danse, la transmission, c'est le présent à chaque moment. On poursuit quelques paroles à présent. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, Allen Ginsberg, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Vous l'avez reconnu, Caroline Carson, à New York. Il s'agit d'Allen Ginsberg, lisant son poème très connu, Howl, qui a été un peu critiqué, un peu censuré. C'est l'un des piliers de la Beat Generation. D'ailleurs, il y a encore une exposition à Beaubourg qui met ce mouvement à l'honneur. Quels sont vos poètes américains préférés ? Ginsberg. Allen Ginsberg, aussi Bob Dylan. I mean, je suis née avec Bob Dylan et même on a étudié La Parole de Louis dans l'université. Bob Dylan et plusieurs, Wadsworth, Yeats. Oui, la liste est énorme. Je voudrais juste qu'on traduise le titre du poème parce que Hall, on peut traduire par hurler. Howl, oui, hurler. Hurler, vous qui aimez le silence, c'est un peu paradoxal. Oui, oui. Wordsworth, c'est un poète romantique. Wordsworth, il y a un grand poème de lui qui s'appelle The Idiot Boy. Son premier poème sur un garçon simple d'esprit. Très grand poète qui m'a touché. Et là, qu'est-ce que vous aimiez chez Ginsberg ? C'est son côté contestataire, antisocial. Oh, mais je suis un hippie. Un old hippie. Je suis vieille hippie maintenant. Et dans la Beat Generation, je connais Allen Ginsberg à San Francisco. Quand elle est hurlée devant tout le monde. Et pour nous, c'est un choc. Et c'est une révélation de la pensée. Alan Watts. Alan Watts, il est mon préféré. Alan Watts, il est génial. Mais c'est lui qui porte le zen Zen Buddhism un peu pour les Américains. Et j'ai tout le livre de Louis, et, incroyable. Et c'est les gens qui échangent aussi mon esprit. À propos de hurler, pardon, je pense à cette année électorale qui a lieu aux États-Unis et celle qui a lieu en France, où on se demande si on va vivre le silence ou est-ce qu'on va hurler. Vous êtes américaine, vous vivez en France, oui. Vous votez. Mais oui, en Amérique. Et dans quel pays? En Amérique? Oui, je n'ai pas dit qui. Non, non. Mm. Enfin, si, dites-le. Non, mais vous allez. On croise les doigts pour Donald. Hein. Négative. Négative. Elle ne dit pas pour qui elle vote, mais ça ne sera pas négative. Pour Donald, ouais. C'est ça. C'est ça, voilà. Mais vous suivez l'actualité politique à distance Oui. Oui, oui. Vous avez de la famille aux États-Unis vous... Oui, oui, j'ai trois frères qui habitent aux États-Unis. Et vous êtes inquiète ou au contraire confiante sur ces élections qui vont arriver? Inquiétée. C'est vrai? Très inquiétée. Ah oui. I don't know. It's you know, toute la mentalité de les gens, elle a changé maintenant. I mean, je comprends pas même qu'ils votent pour une certaine personne que je dis pas. Je dis négative. Mm-hmm. Donald. Oui, bien sûr. Et vous continuez à écrire de la poésie parce que j'ai vu que vous écriviez aussi de la poésie. Oui, toujours. Toujours des haïkus, cette forme oui, brève. Oui, le haïku et aussi le prose. I mean, j'ai juste fait un dialogue avec Rothko. Je parle un petit livre de Mark Rothko. Et un grand peintre. Oui, de Mark Rothko. Et aussi, j'ai toujours fait un solo dialogue avec Rothko. Mais non, j'écris toujours dans l'avion, le train et... Alors, comme le haïku est une forme japonaise, mon petit conseil culture pour vous, c'est un texte de Tanizaki, Le pied de Fumiko. Je me suis dit que pour une danseuse et une chorégraphe, parler du pied, c'était pas mal. C'est en édition folio, c'est à 2 euros, donc c'est idéal à offrir pour se promener, pour mettre dans son sac. C'est tout petit. Oh la pingue, et, bah, cadeau à 2 euros. Bah oui, mais il n'y a pas de petit cadeau. Ah bah si. Et c'est l'histoire en fait d'une geisha qui a un pied fantastique et qui fascine un vieux libertin. C'est une nouvelle, c'est très court. Ami fétichiste, bonsoir. C'est l'obsession de la beauté, l'obsession de la passion aussi. Et il y a juste une citation qui est très belle, où Fumiko dit « Il peut paraître étrange de parler d'expression à propos d'un pied, mais pour ma part, je pense qu'un pied n'est pas moins expressif qu'un visage. Le sien faisait penser à un petit oiseau effrayé qui gonfle ses poumons, replie ses ailes et se prépare à l'envol. » Voilà, c'est de Tanizaki, qui est quand même un grand auteur à qui l'on doit l'éloge de l'ombre, qui a été sélectionné à une reprise, je crois, pour le Nobel de littérature. C'est un grand auteur japonais à découvrir si vous ne le connaissez pas. Merci Leïla. Je rappelle, Caroline Carlson est notre invitée. Elle sera avec sa troupe au Théâtre de Chaillot du 23 au 30 septembre. Mais avant ça, il y aura le 19 septembre, le solo donc au Panthéon. Le spectacle au Théâtre de Chaillot s'appelle Now, Maintenant. Fais péter tes rayons. Un jour, moi, j'irai au Japon. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Au pays du soleil levant. Jejua avec Lieutenant Nicholson et Sammy la banane. Caroline Carlson, on va vous poser des questions courtes. Répondez avec aussi des réponses courtes à la cascade de questions. C'est parti. Et c'est Leïla qui commence. Avec quelle grande danseuse vous aimeriez travailler et chorégraphier un... Robert un Wilson. Danseuse. Danseuse, oui. Sylvie Guillem. Sylvie Guillem. Mais ah oui. Je crois qu'elle est finie maintenant. Elle est finie? Oui. Terminée. Elle a arrêté de travailler. 50 ans, elle dit... C'est elle qui devait jouer Blue Lady? Oui. C'est ça que je veux. Mais c'est intéressant, mais elle dit, après vous, je ne te suis pas. Guillermo Guiz. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez tous vos spectacles, précisément? Oui. I mean, pas tous les pictures. Les 126 pas toutes les images, mais... 126, mais bien sûr, mais la... D'accord, l'histoire ou le... que je crée, ouais. C'est l'histoire, c'est le thème. C'est Albert, Algou. Oui. Quand vous étiez petite, qui vous a donné envie de danser? Mon père. Toujours, nous avons le relative. Est-ce que tu danses pour tout le monde? Je dis oui, et toujours improvisation, oui. Daniel Morin. Caroline, je vais faire appel à votre œil de chorégraphe. Qui, autour de cette table, à part moi, a plus le physique pour être un grand danseur? Autour ou de danseuse. La table, ici. Non, en général, un grand danseur. Ça, après, c'est à l'unité, ce sera un danseur ou une danseuse. C'est Albert, mais il faut un peu d'imagination. Quoi. Peut-être et c'est voilà. Vous dans le foyer. Mais elle a raison. Foyer. Dans le fauteuil. La maréchale dans son fauteuil. Oh, la misère. Je suis un très grand danseur. La misère, c'est que pendant qu'elle réfléchissait, j'essayais de faire des mouvements. Ouais. Et je te raconte même pas comment elle m'a mis un vent. Mais le vent est très important. Et là, je l'ai pris, le vent. Mais Caroline a raison. Elle a raison profondément. Excellent choix. Des excuses à présenter, Daniel. Oui, désolé pour Nagui et tous les autres pervers qui vont se précipiter ce soir à la maison de la radiophonie pour la soirée, maison de la radio pour la soirée autour de Léa. Bande d'idiots, faut se déboucher les oreilles, rien à voir avec Mademoiselle Salamé, c'est une soirée autour de Léo Ferret. C'est une soirée 100% nécrophile. Vivement le week-end. Tu m'étonnes. Désolé pour tous les fans du maréchal Ganache qui, comme moi, sont tombés du haut du Mirador en découvrant l'ouverture d'esprit de ce héros français. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de France. Désolé pour tous ceux qui ont cru que ce matin recevait Jane Birkin. Et non, c'était Caroline Carlson. C'était beaucoup plus audible que Jane Birkin. Caroline Carlson, donc, au théâtre, au Palais de Chaillot pour ce spectacle, Théâtre National de la Danse Chaillot, pardon, pour Now, merci mille fois, merci Caroline, beaucoup. Et merci pour tout ce que vous avez apporté au monde du spectacle et puis aussi à... cette émission, c'était formidable. Oui, je croyais pas au début. lundi, Fanny Ardant et Michael Cohen seront nos invités. Vous retrouvez tout de suite Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonne journée. Ouais, merci Nagui, merci la bande. À lundi. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Dernier volet dans le département du Lot avant de poursuivre notre route la semaine prochaine en Dordogne. On va commencer par un homme heureux, il ne s'agit pas de William Scheller, mais il s'appelle Frédéric Grousset et il co-préside une association qui a relevé le défi de sauver un atelier bois. Nous allons donc parler travail du bois, stage, initiation ouverte, partage, valorisation des essences locales, transmission des connaissances et des gestes et production originale. Et nous sommes à Acier. Village de 700 âmes au nord-ouest de Figeac, bois et acier, d'où l'association Amis Bois d'Acier, je sais, s'apprête à sourire et on s'en amuse un peu.